الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous commençons ce soir une nouvelle série de cours sur la jurisprudence dans laquelle nous allons étudier les règles de trois adorations immenses faisant partie des piliers de notre religion qui sont la prière, la zakat et le jeûne. Ces questions font partie des questions que nul parmi nous n'est censé ignorer et elles font partie des choses les plus importantes que le musulman se doit de chercher à apprendre. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que la recherche de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. C'est-à-dire que, dans la science religieuse, il y a des choses qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous de chercher à apprendre. Et nul ne doit se satisfaire de l'ignorance à ces sujets. Et parmi ces choses, comme l'a mentionné l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, tout ce sur quoi est établie la religion, et tout ce qui te permettra de mettre en pratique ta religion comme il se doit. Il a dit, rahimahullah, il est obligatoire de rechercher de la science ce par quoi il établira sa religion, ce par quoi il mettra en pratique sa religion comme il se doit. On lui demanda alors, à l'exemple, de quel sujet? Il dit alors, ce qu'il ne convient pas d'ignorer, la prière, le jeûne et autres choses semblables. Donc le musulman qui souhaite adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, il se doit d'apprendre comment prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et comment peux-tu prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu n'apprends pas les règles de la prière? De la même manière, celui qui possède des biens et des richesses, il lui incombe alors d'apprendre les règles de la zakat, afin de s'acquitter de cette obligation comme il se doit. Et il ne doit pas être négligent à ce sujet. Et de la même manière, toute personne concernée par l'obligation du jeûne, homme ou femme, se doit d'apprendre les règles du jeûne en islam. Donc j'ai choisi pour cela que l'on étudie ensemble un livre très profitable et qui convient parfaitement à tout débutant dans l'apprentissage de ces sciences, qui est un livre résumé d'une grande importance, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et ce livre a été intitulé « Adabul Mashi ila Salah »« Conduite à tenir sur le chemin de la prière ». Et ce titre n'est pas un titre qui a été donné par l'auteur, mais certainement il a été appelé ainsi du fait que le premier chapitre traite de ce sujet. C'est-à-dire que le premier chapitre de ce livre, qui est le chapitre que l'on va voir aujourd'hui, aborde les conduites à tenir sur le chemin de la prière. Et ceci est courant dans les ouvrages des gens de science, et plus particulièrement dans les livres de hadith. On va trouver, par exemple, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, un livre appelé le livre de l'appel à la prière. Et ce livre contient 166 chapitres. Et parmi eux, il y en a seulement 28 qui concernent l'appel à la prière et l'iqama. Et les chapitres suivants concernent la prière en groupe, les règles de l'imam, la description de la prière, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas abordé seulement ce sujet dans ce livre. Mais il a été nommé ainsi seulement en raison du titre de son premier chapitre. Mais en réalité, il a réuni dans celui-ci les règles de la prière, de la zakat et du jeûne. Toutefois, il n'a pas abordé les règles du pèlerinage ni les règles de la purification. Et il se peut qu'il n'ait pas abordé les règles du pèlerinage en raison des nombreux livres indépendants qui sont écrits à ce sujet. Quant aux règles de la purification, il s'est certainement suffi de ce qu'il a écrit et exposé dans son livre intitulé « Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations », qui est un livre qui contient les conditions des ablutions, ses obligations et ce qui annule les ablutions. Et c'est un livre que l'on a pu étudier sur cette radio par le passé. Alhamdulillah, et les enregistrements sont disponibles sur le site annasiha.com. Nous allons donc commencer aujourd'hui la lecture du premier chapitre de ce livre, qui, comme on l'a dit, concerne les conduites à tenir sur le chemin de la prière. Mais avant cela, j'attire votre attention que durant ces cours, les choses que je vais mentionner seront principalement tirées de l'explication de ce livre écrite par l'éminent cheikh, le grand savant Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Et je me suis également appuyé sur un autre commentaire qui est le commentaire d'un des descendants de l'auteur et qui n'est autre que l'imam Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala. Donc comme pour les autres cours, je vais commencer par lire en arabe, puis faire une traduction rapprochée des paroles de l'auteur, et ensuite, on verra ensemble l'explication de ces paroles à travers un résumé de bénéfices tirés des paroles du Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, auquel je pourrais parfois ajouter d'autres bénéfices tirés des paroles d'autres gens de science. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Bab adabul mashi ila salah » chapitre sur les conduites à tenir lorsque l'on se rend à la prière. On voit donc à travers ce titre que lorsque tu te rends à la prière, il y a déjà certains comportements que tu te dois d'adopter. L'adoration, elle ne commence pas seulement une fois que tu es dans le rang de prière et que tu prononces le takbir derrière l'imam. Mais bien avant cela, tu entres en adoration et tu te dois de respecter certaines conduites afin de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces conduites, si tu veilles à les appliquer comme il se doit, elles t'aideront à te recueillir de la meilleure manière dans ta prière. Contrairement à celui qui ne tient pas compte de ses conduites et qui se rend à la mosquée sans chercher à savoir qu'est-ce qui est légiféré pour lui sur le chemin de la prière, alors celui-ci entrera bien souvent en prière avec un cœur distrait. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Yusannu al-khuruj ilayha mutatahira bi khushu'a » La sunna est de sortir pour la prière purifiée et avec humilité. La sunna est de sortir pour la prière purifiée et avec humilité. Il fait donc partie des conduites à adopter lorsque tu te rends à la prière de te purifier chez toi et de ne pas attendre d'arriver à la mosquée pour faire les ablutions. Mais le mieux est de te purifier avant de sortir et c'est cela qui est recommandé. Ensuite, une fois que tu sors, il convient que tu sortes en faisant preuve d'humilité. C'est-à-dire que tu t'humilies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu as conscience que tu te diriges vers l'adoration de ton Seigneur et que tu t'apprêtes à t'adresser à lui durant cette prière. Donc, ton cœur doit s'avilir. Ton cœur doit être empli d'humilité pour le Seigneur des mondes. Et cette humilité, elle doit se manifester à travers tes actes. C'est-à-dire que tu ne seras pas distrait ou insouciant sur le chemin de la prière. Également, lorsque tu te rends à la prière, tu ne t'occuperas pas d'autre chose qui pourrait te distraire de la raison pour laquelle tu es sorti de ta maison. Tu te concentres seulement sur cette prière qui a motivé ta sortie et que tu t'apprêtes à accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la preuve et il a dit « لِقَوْلِهِ sallallahu alayhi wa sallam » D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « إِذَا تَوَضَّهَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. Lorsque l'un d'entre vous fait les ablutions et qu'il parfait les ablutions, ça aussi c'est d'une grande importance de ne pas négliger les ablutions. Les ablutions qui sont une adoration immense par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, beaucoup de personnes accomplissent l'adoration machinalement, sans se rendre compte qu'en lavant leurs membres, ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de se purifier lorsqu'on souhaite accomplir la prière. et sans avoir en tête également qu'ils accomplissent ces ablutions suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans avoir conscience du mérite immense et des récompenses abondantes qu'obtient celui qui parfait les ablutions. Et je vous invite à revenir à un cours que j'ai donné à ce sujet sur le mérite des ablutions, dans lequel vous pourrez retrouver de nombreux hadiths mentionnant les mérites de cette adoration immense. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque l'un d'entre vous fait les ablutions et qu'il parfait ses ablutions, qu'il les accomplit de la meilleure manière en s'appliquant, puis qu'il sort en direction de la mosquée. Donc le mot puis ici, il nous indique qu'il est légiféré de se purifier avant de sortir, et que la sunna est de se purifier chez soi. Donc lorsque l'un d'entre vous fait les ablutions et qu'il parfait les ablutions, puis qu'il sort en direction du masjid, qu'il ne croise pas ses doigts car il est en prière. Qu'il ne croise pas ses doigts car il est en prière. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors, tu as le même jugement que celui qui est en prière. Par conséquent, tu dois adopter une certaine conduite. Il te convient de délaisser les futilités, de délaisser les actes vils, les actes inutiles, les choses qui pourraient te distraire et ainsi de suite. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans ce hadith, le fait de croiser ses doigts sur le chemin de la mosquée. Et les gens de science ont mentionné que si cela est interdit sur le chemin de la mosquée, alors cela est d'autant plus interdit à l'intérieur de la mosquée, et encore plus durant la prière. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la cause de cela. Il a dit qu'il ne croise pas ses doigts car il est en prière. Donc la raison de l'interdiction est qu'il est en prière, qu'il a le jugement de celui qui prie à partir du moment où il sort pour accomplir la prière. Ensuite il a dit, rahimahullah, وَأَنْ يَقُولَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الصَّلَةِ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Il dit qu'il fait également partie de la sunna qu'il dise une fois qu'il sort de chez lui, même s'il ne sort pas pour la prière, c'est-à-dire que ceci est recommandé de manière générale lors de toute sortie, et d'autant plus lorsque tu sors pour accomplir cette noble adoration, de dire cette invocation qu'il a mentionnée, et qui est composé de différentes invocations rapportées dans plusieurs hadiths. Et le sens de cette invocation est: au nom d'Allah, je crois en Allah, je m'attache à Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de changement et de force que par Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de m'égarer, ou d'être égaré, ou de tomber dans les péchés ou qu'on m'y fasse tomber, d'être injuste ou qu'on soit injuste envers moi, et de faire preuve d'ignorance ou qu'on fasse preuve d'ignorance envers moi. De faire preuve d'ignorance, c'est-à-dire que j'agisse à la manière des ignorants, avec un mauvais comportement et de sorte à nuire aux gens. Il cherche donc refuge contre le fait d'avoir un mauvais comportement ou de nuire aux gens, et que l'on ait un mauvais comportement envers lui, ou que les gens lui nuisent. Donc, cette invocation, elle est recommandée lorsque tu sors de ton domicile de manière générale, que ce soit pour accomplir la prière ou pour une autre raison. On trouve dans le recueil de Tirmidhi, rahimahullah, d'après Anas, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit lorsqu'il sort de chez lui, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de changement et de force que par Allah. On lui dira alors, kufita wa wuqita wa tanahha anhu shaytan. Tu as été comblé, protégé, et le diable se retirera de lui. Donc on voit à travers ce hadith le mérite de cette invocation immense, et d'importance pour le musulman de veiller à être assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux différents moments de la journée et lors des différentes actions où cela est légiféré. Ceci fait partie des causes immenses pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter ta foi, et pour te préserver du mal des démons parmi les djinns et les hommes. Regarde ici cette simple invocation à prononcer en sortant de chez toi. Une invocation facile à apprendre. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. En prononçant cette invocation, on te dit tu as été comblé, protégé, et le diable se retire de toi. Il s'éloigne de toi. Car Allah subhanahu wa ta'ala te protège suite à ta prononciation de ces paroles. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « Wa an yamshiya ilayha bisakinatin wa waqar » Et il est aussi recommandé, il fait aussi partie de la sunna, qu'il marche en direction de la prière calmement et dignement. Calmement et dignement. Ceci fait partie des conduites à adopter lorsque tu te rends à la prière. Que tu marches avec calme, avec tranquillité et avec dignité. Qu'est-ce que cela signifie? Avec calme, c'est-à-dire que tu ne t'empresses pas, que tu agisses posément, que tes mouvements ne soient pas des mouvements précipités et que tu évites les gestes futiles. Et avec dignité, c'est-à-dire avec pudeur et retenue, en adoptant une bonne attitude, à l'exemple du fait de baisser le regard lorsque tu te rends à la mosquée, de ne pas élever la voix et de ne pas tourner ta tête à droite à gauche pour regarder ce qu'il y a autour de toi. C'est cela qui est visé par al-waqar, que l'on a traduit par la dignité. Agir de manière respectueuse et respectable. Ceci est valable pour le musulman de manière générale. Il lui incombe de baisser le regard et de ne pas laisser ses yeux se balader sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de regarder. Également, il lui convient de ne pas élever la voix lorsqu'il parle, si ce n'est de sorte à se faire entendre ou lorsque cela est nécessaire. Et également, de ne pas laisser aller son regard à droite, à gauche et ainsi de suite, de sorte à voir des choses qui ne le concernent pas. Il fait certes partie du bon islam de la personne qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Donc si ceci est valable de manière générale, ceci est d'autant plus valable lorsque tu te rends à la mosquée pour accomplir cette noble adoration qu'est la prière. Et comme je l'ai dit, celui qui agit ainsi, lorsqu'il arrivera à la mosquée, son cœur sera apaisé. Il sera prêt à se recueillir pour accomplir cette noble adoration. Il n'aura pas le cœur distrait. Il n'aura pas le cœur noirci par les péchés. Mais il viendra avec un cœur repentant et purifié. Contrairement à celui qui ne tient pas compte de cette bonne conduite. Qui n'a pas conscience que, sur le chemin de la mosquée, il est en adoration. Qui laisse aller son regard. Qui parle à haute voix. Ou voire même qui crie. Jusqu'à devant la porte de la mosquée. Ou voire même jusqu'à la mosquée, jusqu'à la salle de prière. Comme le font certaines personnes aujourd'hui qui, par manque de bon comportement et de savoir-vivre, entrent dans la mosquée en élevant la voix « Allahu al-musta'an », en étant distraits par des discussions futiles, bien souvent d'aucun intérêt, puis ensuite il s'oriente vers la Qibla, il dit « Allahu Akbar » et son cœur est distrait et il accomplit une prière dans laquelle il n'arrive pas à se recueillir, car il ne s'est pas préparé sur le chemin. Il n'a pas préparé son cœur, il n'a pas préparé son âme à l'accomplissement de cette adoration immense. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la sunna est de marcher vers la prière, de se rendre à la prière calmement et dignement. Et il mentionne la preuve. Il dit, « لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَمْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ Lorsque vous entendez à l'iqama, le petit appel à la prière, marchez avec tranquillité. فَمَا أَدَرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا Ce que vous atteignez, priez-le, et ce que vous avez manqué, rattrapez-le. » Donc ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, et se trouve dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans la version rapportée dans les deux recueils authentiques, à la fin du hadith, il est mentionné « complétez-le », c'est-à-dire « ce que vous avez atteint, priez-le, et ce que vous avez manqué, complétez-le ». Et la version mentionnée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, se trouve dans le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Ce que vous avez atteint, priez-le, et ce que vous avez manqué, rattrapez-le. Et c'est en raison de ces différentes narrations que les gens de science ont divergé concernant la manière de rattraper la prière pour celui qui est en retard, celui qui a manqué certaines unités de la prière. Supposons qu'il arrive à la dernière unité de la prière d'El Maghrib. Il a donc fait une unité avec l'imam et il lui manque deux unités. Ces deux unités qu'il va accomplir sont-elles les deux premières qu'il va rattraper ou alors les deux dernières qu'il va compléter? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont mentionné, en raison de la version rapportée par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, que ce que le retardataire rattrape est le début de sa prière. Donc, il accomplira ces deux unités manquantes comme les deux premières unités de la prière. Ceci est un avis parmi les avis des gens de science. Et l'avis le plus juste est que ce que le retardataire va accomplir est la fin de sa prière. Donc, il considérera l'unité qu'il a fait avec l'imam comme la première unité de sa prière à lui. Et ensuite, lorsqu'il se relève, il sera à la deuxième unité. Il agira donc comme s'il était à la deuxième unité de la prière. Et c'est ce que démontre la version la plus authentique qui est rapportée dans les deux recueils d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Ce que vous atteignez, priez-le, et ce que vous avez manqué, complétez-le. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retient ici de ce hadith, c'est l'interdiction de s'empresser et de se précipiter lorsque l'on entend l'iqama. En effet, lorsque la personne s'approche de la mosquée et qu'elle entend l'iqama, elle va avoir tendance à se presser, à accélérer le pas, ou voire même parfois, comme le font certaines personnes, à courir. Et pire encore, s'il voit l'imam s'incliner ou qu'il s'apprête à s'incliner, s'il entend qu'il est à la fin d'une sourate, alors il va se mettre à courir par peur de manquer cette unité de prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné le contraire de cela. Comme le démontre ce hadith. Lorsque vous entendez l'iqama, marchez avec tranquillité. Ce que vous avez atteint, priez-le. Et ce que vous avez manqué, rattrapez-le. Complétez-le. Et ceci n'est pas valable seulement lorsque tu entends l'iqama. Mais même avant cela, il est recommandé de se rendre à la mosquée avec tranquillité sans se précipiter. Comme on le trouve dans une autre narration du hadith, rapportée dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous vous rendez à la prière, marchez avec tranquillité. » Donc ceci est le comportement qu'il convient d'adopter pour le musulman sur le chemin de la mosquée. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وَأَنْ يُقَارِبَ بَيْنَ خُطَاهُ » et qu'il rapproche ses pas, c'est-à-dire que ses pas soient modérés, qu'il ne marche pas trop lentement ni trop rapidement. Et en rapprochant ses pas, en marchant de manière modérée, le croyant obtient l'expiation de ses péchés et l'élévation au degré. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, la prière de l'homme en groupe est augmentée en comparaison à sa prière dans sa maison ou dans son marché. Et elle est multipliée par 25 fois, c'est-à-dire en termes de récompense. Et ce car lorsqu'il fait les ablutions, et parfait les ablutions, puis qu'il sort vers la mosquée, et qu'il ne sort que pour la prière, il fait ici allusion à la sincérité, que la motivation de la personne soit de sortir pour la prière, non pas pour prendre l'air ou pour voir ses amis et discuter à la prière ou autre chose semblable. Mais ce qui le motive à sortir est d'aller accomplir cette prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et ce car lorsqu'il fait les ablutions et parfait les ablutions, puis qu'il sort vers la mosquée et qu'il ne sort que pour la prière, il ne fait pas un seul pas sans que par celui-ci, il ne soit élevé d'un degré et qu'on lui expie un péché à chaque pas. Et ceci est une récompense immense. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis une fois qu'il a prié, les anges ne cessent de prier sur lui, c'est-à-dire d'invoquer en sa faveur, tant qu'il est sur son lieu de prière. Et ils disent, Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Ô Allah, prie sur lui, c'est-à-dire couvre-le d'éloges. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Et l'un d'entre vous ne cesse d'être en prière, tant qu'il attend la prière. C'est-à-dire que celui qui reste assis après la prière pour attendre la prière suivante, il est en prière. Et de la même manière, celui qui vient en avance à la mosquée et qui attend la prière, il est en prière. Et lorsqu'il attend la prière, il obtient ce mérite qui est l'invocation des anges en sa faveur. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, Rahimahullah, toujours d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vais-je pas vous indiquer ce par quoi Allah expie les péchés et élève en degré ?» Ils lui ont dit « Bien sûr que si, au messager d'Allah. » Puis il mentionna différentes actions et parmi elles, le fait de multiplier les pas vers les mosquées. De multiplier les pas vers les mosquées. Donc ces hadiths nous indiquent le mérite immense des pas accomplis en direction des mosquées dans lesquelles on se rend pour accomplir la prière. Et cette récompense, elle ne concerne pas seulement le chemin aller, mais elle est obtenue également au chemin du retour. Comme le démontre un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui a dit « Il y avait un homme qui habitait loin de la mosquée, et je ne connaissais pas un homme plus loin de la mosquée que lui. Il ne manquait jamais une prière. » Il était assidu à la prière en commun. On lui dit alors, ou Ubay ibn Ka'b lui dit alors, « Et pourquoi n'achèterais-tu pas un âne sur lequel tu monterais dans l'obscurité et lors des moments de chaleur pour te rendre à la mosquée ?» Et il dit alors, « Il ne me plairait pas que ma maison soit à côté de la mosquée, car je veux qu'il me soit inscrit mes pas accomplis en direction de la mosquée, ainsi que mes pas accomplis lors de mon retour vers ma famille. » Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il dit, « Allah subhanahu wa ta'ala a certes réuni pour toi tout cela, c'est-à-dire la récompense de l'ensemble de ses pas. » Les pas en direction de la mosquée et les pas du retour en direction de sa maison. Et ceci est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit avoir conscience de ces récompenses qui sont à sa portée et dont beaucoup de personnes sont insouciants et n'ont même pas conscience qu'ils sont en adoration lorsqu'ils marchent vers la mosquée. Wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné des invocations à dire sur le chemin de la mosquée. La première invocation qu'il a mentionnée commence par Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilin 'alayk. Et cette invocation, comme il est venu dans le commentaire, est venue dans un hadith dont la chaîne de transmission est faible. Elle n'est donc pas à prononcer. Ensuite, il a dit wa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi lisani noura wa ja'al fi basari noura wa 'an yamini noura wa 'an shimali noura wa fawqi noura wa tahti noura. Allahumma a'tini noura. Et il dit, ô Allah, place dans mon cœur une lumière, sur ma langue une lumière, et place dans ma vue une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, ô Allah, accorde-moi une lumière. Et cette invocation est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, avec plus de phrases que celles mentionnées par l'auteur. Et vous pouvez la trouver dans le célèbre livre de recueil d'invocations intitulé « Hisnul Muslim », la citadelle du musulman. Donc elle commence par « Allahumma ja'al fi qalbi noura »« Ô Allah, place dans mon cœur une lumière, sur ma langue une lumière, dans mon ouïe une lumière, dans ma vue une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière, et place en moi une lumière et augmente pour moi une lumière. » Qu'est-ce que cette invocation signifie? Qu'est-ce qui est visé par la lumière? Les gens de science ont mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son livre, le Coran, comme étant une lumière. Il a dit « Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina » Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et il a qualifié également son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une lumière, sirajan munira, une lampe éclairante. Et la lumière du Coran est la lumière du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la lumière menant à la bonne voie, à la réussite ou au droit chemin. Donc le musulman, il fait cette invocation en se rendant à la mosquée, et ce afin d'obtenir la lumière de la guider dans son cœur, dans ses sens et dans tout ce qui l'entoure, afin d'être sur la droiture et sur la bonne voie, afin que son cœur soit illuminé par la lumière de la foi, la lumière de la crainte d'Allah, la lumière du repentir et du retour vers Allah, et ainsi de suite parmi les œuvres du cœur. Car si ta vue est emplie de lumière, tu seras alors guidé afin de ne regarder que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a permis de regarder. De la même manière, si ton ouïe est empli de lumière. Tu seras guidé afin de n'écouter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'écouter. Également, si Allah subhanahu wa ta'ala place sur ta langue une lumière, alors tu ne prononceras que des paroles permises et aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois ici l'importance de cette invocation, et que c'est une invocation à ne pas négliger à prononcer sur le chemin de la prière. Et comme je l'ai dit, vous pouvez la retrouver dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. Puis une fois qu'il entre à la mosquée, il lui est recommandé de faire précéder son pied droit, c'est-à-dire d'entrer par le pied droit. ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah l'immense, par son noble visage et son autorité éternelle contre le diable lapidé. Allahumma salli ala Muhammad. Ô Allah, prie sur Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés. Waftah li abwab rahmatik. Et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ceci est à prononcer en entrant à la mosquée. Wa 'inda khurujihi yuqaddim rijlahu al-yusra. Et lorsqu'il sort, il fait précéder son pied gauche, c'est-à-dire qu'il sort par le pied gauche. Wa yaqul waftah li abwab fadlik, et ouvre-moi les portes de ta grâce. Donc ici, l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé deux questions. La première est que il est recommandé d'entrer à la mosquée par le pied droit et d'en sortir par le pied gauche. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné, selon le sens, que ceci est une règle générale dans la législation, qu'il est recommandé de commencer par la droite dans tout ce qui est honorable, et de commencer par la gauche dans les choses contraires à cela. Tout ce qui est honorable, entrer à la mosquée, manger, se serrer la main, et ainsi de suite. Tout ceci est fait par la droite, et commence par la droite. Et tout ce qui est contraire de cela est fait par la gauche. Sortir de la mosquée, sortir de chez soi, se nettoyer après ses besoins, et ainsi de suite. Et la preuve qu'il est recommandé de commencer par la droite est venue dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Aïcha radiallahu anha, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble de ses affaires. Il aimait commencer par la droite, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans toutes les choses honorables. Et d'après Anas, radiallahu anhu, il a dit, il fait partie de la sunna lorsque tu entres à la mosquée de commencer par ton pied droit, c'est-à-dire d'entrer par le pied droit. Et lorsque tu en sors, de commencer par ton pied gauche. Et ce hadith est un hadith authentique. Et lorsqu'un compagnon dit que un acte fait partie de la sunna, alors ceci a le jugement d'une parole remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il ne peut affirmer que ceci est la sunna que s'il a appris cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc recommandé d'entrer à la mosquée par le pied droit et d'en sortir par le pied gauche. Et ceci fait honneur à la droite, car la droite sera la partie qui aura passé le plus de temps dans la mosquée. Elle sera entrée en premier et elle en sortira en dernier. La deuxième question qu'il a abordée ici est la doa, l'invocation, légiférée lorsqu'on entre à la mosquée. Et ce qu'il a mentionné est une invocation composée de différentes invocations rapportées dans différents hadiths. La première est celle rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Dans un hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il dise, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il dise, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il en sort, qu'il dise, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ô Allah, je te demande, je t'implore de ta grâce. Il est donc légiféré de demander l'ouverture des portes de la miséricorde d'Allah. Lorsque tu entres et lorsque tu sors, tu implores Allah qu'il t'accorde de sa grâce. Et il y a un bénéfice immense en cela. Car lorsque tu entres à la mosquée, tu espères la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es venu pour prier, espérant obtenir la clémence et la miséricorde de ton Seigneur, espérant sa récompense et sa bonne rétribution. Tu lui demandes donc de t'ouvrir les portes de sa miséricorde, de te faciliter les actes qui te permettront d'obtenir sa miséricorde. Et lorsque tu sors de la mosquée, il se peut que tu retournes à certaines activités mondaines. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder de sa grâce, c'est-à-dire de t'accorder la subsistance, de te faciliter les moyens te permettant d'obtenir ta subsistance. Et c'est cela la sagesse qu'il y a derrière la mention de ces deux demandes en entrant et en sortant de la mosquée. L'autre partie de l'invocation est rapportée par Abu Dawud rahimahullah ta'ala. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il entrait à la mosquée « A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani al-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah l'immense par son noble visage, son autorité éternelle contre le diable lapidé. » Et la mention du nom d'Allah et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont rapportées dans d'autres hadiths. Donc en résumé, on voit qu'il est légiféré de dire en entrant à la mosquée, une invocation dans laquelle on réunira ce qui est mentionné dans ces différents hadiths. Et on dira alors, Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultani al-qadim, min ash-shaytani al-rajim, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Et ce en réunissant les différentes choses mentionnées dans ces hadiths. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, wa idha dakhal al-masjid, فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنَ. Et lorsqu'il entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié deux unités. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنَ. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, alors qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas prié deux unités. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir avant de prier. Donc lorsque tu rentres à la mosquée, il est légiféré pour toi de prier deux unités. Au minimum, il est possible pour toi de prier plus que cela. Si par exemple tu entres après l'adhan de la prière du dhuhr et que tu souhaites accomplir les rawatib, il se peut que tu accomplisses deux unités, que tu fais suivre de deux autres unités et que tu ne t'assoies qu'après cela. Et il n'y a pas de gêne en cela. Toutefois, il n'est pas possible de prier moins que deux unités avant de s'asseoir. À supposer qu'une personne entre avant l'entrée de l'heure de la prière de l'aube et souhaite accomplir le witr en une seule unité. Ceci ne suffira pas pour pouvoir s'asseoir et mettre en pratique ce qui est mentionné dans ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié deux unités. Et ces deux unités, elles sont appelées tahiyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée. La majorité des savants considèrent que c'est une prière fortement recommandée. Et d'autres ont dit que c'est une prière obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir avant de l'avoir accomplie. Et cette prière n'est pas visée en elle-même, c'est-à-dire que ce n'est pas une prière indépendante. Mais quelle que soit la prière que tu as accomplie, en entrant à la mosquée, à partir du moment où tu as accompli deux unités, alors il te sera possible de t'asseoir. Si par exemple tu entres après l'adhan du fajr, et que tu as accompli la ratiba, sunnat al-fajr, les deux unités surérogatoires à accomplir avant l'obligation du fajr, alors celles-ci suffiront pour salutation de la mosquée. Et tu n'auras pas besoin de prier les deux unités de salutation de la mosquée indépendamment, puis les deux unités de la ratiba. Mais tu accomplis seulement deux unités qui réuniront entre la ratiba et la salutation de la mosquée. Car en accomplissant ta ratiba, tu auras accompli deux unités qui suffisent en guise de salutation de la mosquée. Car celle-ci n'est pas une prière indépendante. De la même manière, si tu arrives alors que l'imam a déjà commencé de prier et que tu t'insères en prière, après la prière, tu pourras t'asseoir car tu auras accompli deux unités ou plus. Et il ne te sera pas demandé de rattraper les deux unités de Tahiyatul Masjid, de salutation de la mosquée. Et cette prière, les savants ont divergé concernant son accomplissement durant les temps durant lesquels il est interdit de prier. On va voir dans un chapitre suivant qu'il y a des moments dans la journée durant lesquels il est interdit de prier. Parmi eux, après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil et après la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata ba'da salati l'Asri » حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. Il n'y a pas de prière après la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche Et il n'y a pas de prière après la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. À partir de là, certains savants ont dit, il n'est pas permis d'accomplir la prière de salutation de la mosquée si on entre à la mosquée après la prière de l'Asr et avant l'entrée de la prière du Maghreb, avant le coucher du soleil. Et de la même manière si on entre à la mosquée après la prière du Fajr, avant le Shuruq, car c'est un temps d'interdiction. Ils ont donc considéré que la prière de salutation de la mosquée entrait sous cette interdiction. Et d'autres savants ont dit qu'on peut l'accomplir à tout moment, car c'est une prière qui a une cause. Et sa cause est l'entrée à la mosquée. On ne fait pas la prière à ce moment en spécifiant ce moment, mais on accomplit cette prière en raison de notre entrée à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir dans la mosquée avant d'avoir prié 2 unités. Donc, quel que soit le moment où j'entre à la mosquée, je prie 2 unités avant de m'asseoir. Quoi qu'il en soit, bien que ceci paraisse être l'avis le plus juste et le plus authentique, il faut savoir que cela reste une question sujette à divergence entre les gens de science. Et qu'il est possible que certaines personnes considèrent qu'il n'est pas permis de prier et qu'elles rentrent et qu'elles s'assoient directement. Et si celles-ci suivent en cela l'avis d'une personne de science, elles ne sont pas à blâmer. Et de la même manière, ces dernières ne doivent pas blâmer celui qui entre à la mosquée et qui considère qu'il ne peut pas s'asseoir sans avoir prié ses 2 unités. Et ceci fait partie de la largesse de laquelle doit se parer le musulman dans ces questions qui sont basées sur l'effort d'interprétation. C'est-à-dire que les savants ont analysé les textes, ont fait un effort pour atteindre ces jugements et ont divergé sur leurs conclusions. Certains ont vu qu'on pouvait prier à tout moment, car la cause est l'entrée à la mosquée, et d'autres ont vu que, durant les moments d'interdiction, cette prière devait être délaissée. Celui qui considère que le premier avis est juste et ne s'assoit pas sans prier, alors il agit de cette manière et il n'est pas à blâmer. Et celui qui considère que il est interdit de prier et entre à la mosquée et s'assoit, alors il n'est pas à blâmer. Et une question se pose. Certaines personnes prient dans des mosquées, dans des pays où les gens considèrent qu'il est strictement interdit de prier à ces moments-là. Et s'il entre à la mosquée et qu'il prie, avant l'adhan du Maghreb, qu'il fait 2 unités avant de s'asseoir, alors il se peut que cela provoque des troubles et des dissensions et des discordes entre les fidèles de cette mosquée. Dans ce cas-là, on dira qu'il est préférable pour lui, afin de préserver l'unité des musulmans, d'attendre l'appel à la prière pour entrer à la mosquée. Et ainsi, il pourra accomplir les 2 unités après l'adhan, inshallah ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine ce chapitre en disant « وَيَشْتَغِلُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَيَسْكُتُ » C'est-à-dire après avoir accompli ces 2 unités de prière, une fois qu'il est assis à la mosquée, il s'occupe par le rappel d'Allah où il se tait. « وَلَا يَخُولُ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا » Et il ne tient pas des discussions au sujet d'affaires mondaines. C'est cela qui est légiféré pour le musulman lorsqu'il entre à la mosquée. De s'occuper par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne s'occupe pas par le rappel d'Allah, alors qu'il se taise. Cela est meilleur pour lui. En effet, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَمَدَامَ كَذَلِكْ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ » Tant qu'il agit ainsi, il est en prière. « وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرْ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِي أَوْ يُحْدِثِ » Et les anges implorent le pardon en sa faveur tant qu'il ne nuit à personne et qu'il ne perd pas ses ablutions. Donc lorsque tu entres à la mosquée, après avoir accompli ta prière ratiba ou tahiyyat al-masjid, la prière de salutation de la mosquée, occupe-toi par ce qui est profitable et ce qui te rapproche d'Allah, comme la récitation ou la lecture du Coran, le rappel d'Allah, le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, al-istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ou alors les invocations. Lève tes mains et invoque Allah, d'autant plus entre l'adhan et l'iqama, qui est un moment propice pour les invocations. Et prends garde à ne pas te détourner de cela pour tenir des discussions mondaines ou des discussions futiles. Et pire encore, prends garde à cette tentation qui se trouve à portée de main de chacun d'entre nous à notre époque, qui est le téléphone et les réseaux sociaux. Malheureusement, nombreux sont ceux à être tentés par cela et à passer le temps entre l'adhan et l'iqama sur Twitter ou sur Facebook ou je ne sais quoi parmi les réseaux sociaux. Prends garde à cela. Prends garde à ne pas te priver de nombreuses récompenses que tu peux obtenir en te rappelant de ton Seigneur. en faisant le tasbih, le takbir, le tahlil, en faisant l'istighfar, astaghfirullah, en invoquant Allah, en lui demandant le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Profite de ces minutes pour te rapprocher davantage de ton Seigneur. Et on a vu dans le hadith que l'on a mentionné précédemment concernant les pas en direction de la mosquée, que lorsque la personne a prié, qu'elle est assise à la mosquée, qu'elle attend la prière, les anges invoquent en sa faveur. Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Oh Allah, prie sur lui, c'est-à-dire couvre-le d'éloges. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Ces serviteurs vertueux que sont les anges invoquent en ta faveur. Et ils invoquent en ta faveur tant que tu ne nuis à personne ou que tu ne perds pas tes ablutions. Tu es en prière car tu attends la prière. Même si tu restes assis après la prière obligatoire, tu es encore en prière. Mais prends garde à ne nuire à personne par tes paroles ou tes actes. Comme en élevant la voix après la prière, comme le font nombre de personnes, bien souvent pour tenir des discussions futiles, et qui gênent ceux qui restent assis à faire le rappel d'Allah. Prends garde à cela, à ne nuire à personne parmi tes frères, ni par tes paroles, ni par tes actes. Et tu es en prière tant que tu agis ainsi, et tant que tu n'as pas perdu les ablutions, car une fois les ablutions perdues, la personne n'est plus considérée comme en prière. On a donc terminé ce chapitre concernant les conduites à adopter sur le chemin de la prière, et on commencera dans le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, le chapitre suivant intitulé « Chapitre sur la description de la prière ». Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.